Aussi au moment donné. Oh, je me rappelle de ça, c'était il y a un an. Et oui, on ressort les classiques. Allez, c'est parti pour l'analyse des WWE SummerSlam. Un petit jingle de la part de notre ami Vincent, et on se retrouve juste après. Allez, merci Tifo pour cette sublime interprétation de Don't Give Up, thème song de SummerSlam quand même, on le rappelle. Et on va de suite commencer cette analyse avec le premier match de la soirée. On va parler du titre pour les championnats du monde par équipe. On va commencer par le pré-show, parce qu'il y a un pré-show qui a été annoncé, excusez-moi. Entre Antonio Cesaro et Santino Marella, le match sera pour le titre des États-Unis. Alors messieurs, est-ce que le titre va enfin changer de main, ou alors est-ce que Santino va conserver son titre une énième fois? Je vais donner la parole, allez, à Sébastien. Bon, ben moi, tout d'abord, je suis déjà surpris de ce push qui sort un petit peu vraiment de nulle part de la part de Cesaro, parce qu'il y a encore un mois, on le voyait quasiment pas sur les écrans, et là, d'un coup, il sort un petit peu de nulle part. Il fait deux tombées sur Santino Marella, et il se retrouve en pré-show d'un pay-per-view, donc c'est vraiment le push qui sort de nulle part. Et après, c'est exactement pour ça que je pense qu'il n'est pas encore prêt pour gagner la ceinture. Et donc, pour moi, il va perdre ce match. Tifo ? Non, bah ouais, c'est vrai que c'est un petit peu sorti de nulle part comme match. Mais après, c'est comme la plupart des pré-shows, ça sort de nulle part. Après, moi, je pense que Santino va quand même conserver la ceinture. Je vois mal le titre changer de main en pré-show, honnêtement. Après, moi je regarde jamais les pré-shows, donc je m'en fous un petit peu. Quoi. MP. Bah, moi je suis en désaccord avec vous, je crois que Cesaro va gagner le titre. Parce que on voit que Santino avec le titre US, il n'y a pas une très bonne image en ce moment, donc il faudrait peut-être essayer de donner une meilleure image à justement ce titre. Donc. Avec Cesaro qui gagnerait ce titre, ça serait peut-être, ça lui donnerait une bonne place justement. Et je pense que ça peut peut-être redonner un peu de l'élan à ce titre et amener Cesaro vers la mid-card. Moi, je suis assez d'accord avec toi là-dessus, quand on voit que l'impact qu'a eu Cesaro la semaine dernière à SmackDown quand il s'est attaqué à Christian après son match, à mon avis, c'est pas pour rien. Pourquoi pas après enchaîner sur une feud entre Christian et Antonio Cesaro, pourquoi pas pour le titre US, ça me plairait bien. Et Vincent, donc moi je suis d'accord avec MP, je pense que Cesaro va repartir avec le titre, parce que si on aurait voulu faire gagner Santino, je pense que ça aurait pas été en pré-show, parce que Santino c'est un gros face, donc ça aurait peut-être un peu plus eu de réaction. Alors que là, Cesaro n'est pas encore très établi à la WWE, donc je pense que c'est pour ça qu'on a mis le match en pré-show. Donc, après, dommage pour lui s'il remporte le titre, parce que ce sera quand en pré-show, mais en même temps, c'est SummerSlam, en plus c'est le 25e anniversaire. Donc ça peut ramener de la fraîcheur, surtout qu'il y a pas mal de mid-carder face qui pourraient avoir la ceinture, comme Tyson Kidd, Justin Gabriel... Après, il y a Christian, même si c'est pas vraiment un mid-carder pour moi, mais. Ouais, non, je suis tellement dans le main event aussi. Ouais, mais bon, on va dire qu'il est entre les deux. Mais ouais, non, je pense que ça pourrait ramener la fraîcheur. Puis bon, Santino, puis Money the Bank, c'est plus ça, quoi. Enfin, on le voit plus trop. Puis en plus, Money the Bank, il n'y a pas été très bon. Donc, vivement que Cesaro prenne le titre. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer au match suivant, alors que Kevin vient de se connecter à l'instant même. Le match suivant, donc on va dire que c'est pour le titre intercontinental entre The Miz, le champion, et donc l'adversaire désigné est donc Rey Mysterio, donc deux mecs qui viennent de faire leur retour assez récemment, vont s'affronter pour un titre intercontinental. Les matchs qu'ils ont déjà donnés dans les Raw et SmackDown étaient assez bons, donc on peut prévoir de plutôt de bonnes choses entre les deux. Vincent. En plus, je pense que ça va être l'opener parce qu'on voit Mysterio est assez populaire, donc ça pourrait bien lancer le pay-per-view. Après, je pense pas qu'il va remporter la ceinture, comme le Miz viendra la prendre. Puis bon, je pense que Miz a plus besoin de regagner en crédibilité que Mysterio, alors que Mysterio, on voyait tous participer au match pour le titre poids lourd, donc c'est que ça nous dérange, enfin c'est pas que ça nous dérangerait pas, mais on serait pas choqué de le voir dans un plus gros match de la carte, donc je pense que Miz va repartir avec la ceinture. Après, ça peut donner un bon petit opener. Moi, je suis d'accord avec toi, peut-être pas sur le fait que ce soit dans l'opener, mais pour moi, Rey Mysterio a quand même sa carrière derrière lui, le Miz est encore devant lui, et je pense qu'en donnant peut-être un petit peu plus de crédit au Miz pour repenser vers un push, peut-être l'année prochaine, peut-être dans deux ans, je sais pas, faut de toute façon, The Miz doit changer de personnage. Pour moi, ce personnage du mec qui est au somme doit s'estomper, enfin il s'estompe complètement. Pas forcément un face turn, peut-être un changement de gimmick serait peut-être bon pour lui. Sébastien. Je suis un petit peu d'accord avec vous, c'est plutôt une belle affiche. En revanche, je suis un petit peu moins emballé quand même par le fait qu'il n'y a aucune construction, on va dire. Le match arrive à cause d'une défaite du Miz à SmackDown vendredi dernier. Et donc c'est une construction plutôt faible pour un pay-per-view comme SummerSlam. Mais bon, je pense que niveau in-ring, il n'y aura pas de souci à se faire. Ce sera un beau match. De la part à MP. Je vous rejoins. Je pense que vous avez pas mal tout dit. Je pense qu'on peut s'attendre à un bon match comme on a vu dans les shows hebdo. Et bon, je pense que c'est assez couru d'avance que Tommy va conserver parce qu'il y a quand même la ceinture depuis pas très longtemps. Donc, je pense que tout à l'heure, Gus, tu parlais de la gimmick de Tommy qui devait changer. Je trouve déjà depuis son retour au moins ça a un peu changé avec son rôle au cinéma qui prend un peu plus dans sa gimmick, donc ça c'est déjà bien. Un peu un changement de look aussi, donc ça fait un peu changement de ce qu'il y avait avant. Donc ça c'est déjà ça lui donne une nouvelle lancée, donc ça c'est bien pour lui. Et voilà, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire sur ce match. Ouais, donc je voulais ajouter que je pense que The Miz doit faire comme Alberto Dario. Il ne doit pas être tout le temps, pour être moins chiant, il ne doit pas tout le temps dire les mêmes choses au micro. Ce qui me faisait un peu chier avant, il disait tout le temps « je suis awesome », mais ses discours étaient assez répétitifs. Donc je pense que s'il change ce point-là, ça peut, il n'y a pas besoin de changer de gimmick. Quoi. T'as parlé d'Alberto Del Rio, là ? Pourquoi je dis Del Rio ? C'est Demis qu'on parle. Je dis qu'ils ont un point commun, c'est qu'ils se répètent assez souvent dans leurs discours. Ah, d'accord, oui. Ouais, bon, je réenchaîne. Alors, moi, concernant ce match, comme l'a bien dit Seb tout à l'heure, ça sort un petit peu de nulle part, encore une fois. Sauf que là, ça peut nous donner du très bon in-ring. Ouais, on sait que Rey Mysterio, ses performances sont toujours d'un très haut niveau. Donc, pour un SummerSlam, un Miz Rey Mysterio pour le titre intercontinental, je pense que ça va le faire et que ça va passer bien si c'est en opener. D'accord, je suis assez d'accord avec vous, donc comme je me suis bien exprimé. Est-ce qu'on peut passer à la suite, messieurs ? Oui ? On peut. Est-ce qu'on peut intégrer Kevin aussi ? Kevin, alors j'allais dire justement, Kevin est de retour pour ce numéro, mais le pauvre avec un micro pas terrible, terrible, donc du coup Kevin restera sur le chat. Alors si Kevin a un avis sur le Miz Mysterio qui aura lieu à SummerSlam. Kevin qui nous a avoué tout à l'heure qu'il a vu WrestleMania cette année seulement. Alors on attend la réaction de Kevin. Moi je crois qu'on peut l'attendre encore très longtemps et je crois qu'on va passer à la suite. On va passer à la suite, messieurs, effectivement. On va passer au match suivant, c'est un match entre Kane et Daniel Bryan. Alors je vais commencer parce que je vois beaucoup de gens critiquer le choix de ce match, ce choix d'adversaire pour Daniel Bryan. Alors que Kane, c'est pas le plus manchot des big men, hein. C'est même plutôt peut-être plutôt même le meilleur big man de la WWE. Au niveau in-ring, c'est plutôt bon. On a pu le voir dans sa feud avec Daniel Bryan et CM Punk, c'était plutôt pas mal. Moi, j'y crois à ce match-là, comme pour être un assez bon match. Pas non plus être le show stealer, mais un match qui intégrerait facile les 3 étoiles. Ah, mais je te rejoins complètement, Gus, sur ce point. En plus, avec Daniel Bryan qui assure toujours dans le ring, en tout cas, depuis qu'il est arrivé à WWE, il a montré qu'il pouvait donner des bons matchs avec n'importe qui. D'ailleurs, on l'a vu avec, par exemple, John Cena Raw aussi. Sa rivalité avec CM Punk était très bonne. Donc, voilà, c'est Daniel Bryan, je pense, c'est une valeur sûre en ce moment. Et je pense avec n'importe qui a une place, il va toujours donner des bons matchs. Puis, comme tu l'as dit, Gus, Kane, c'est quand même un des meilleurs big men à WWE. Donc, je pense que ça va donner un bon match encore une fois. Bon, la rivalité n'a pas été la mieux bâtie encore une fois. Je pense qu'on se répète. Les feuds sont pas nécessairement les meilleurs en ce moment, mais je pense que sur la qualité in ring de ce show, je pense que ça va quand même donner quelque chose de pas mal. Et sur ce match-là, ça va être encore un peu la même chose. Je pense que je m'attends, comme tu as dit, un match environ au-dessus des 3 étoiles. J'ai donné la parole à Vincent. Pour le choix du match, je trouve que c'est pas rabaissé Daniel Bryan, parce que Kane, depuis qu'il a fait son retour en début d'année, il affronte que des grosses pointures. Il a affronté Cena, il a affronté Orton à WrestleMania. Après, il est parti sur une feud, sur un Money in the Bank, où je trouve que c'est pas trop mal, quoi. Et ça peut donner un bon match. Après, je sais pas ce que peut donner Kane en face, parce que Kane, généralement, est plus intéressant en heel. Après, avec Bryan qui a le vent en poupe au niveau des fans, je pense que ça peut donner un bon match. Puis Bryan, il est bon dans le ring. Kane, il est pas si big man que ça. Kane est loin d'être dégueulasse et très très loin d'être manchot dans un ring, ça c'est clair. Après, le problème de Kane avec les fans, c'est que ou t'accroches à sa gimmick ou t'accroches pas. Donc je pense que à partir d'un moment que si t'aimes pas trop Kane, forcément, je pense que c'est difficile de l'aimer, quoique n'importe quel adversaire d'eau, pardon. Moi, Kane avant, j'aimais pas trop, mais depuis son retour en masqué, je dois avouer que je suis assez fan. T'es un petit fou qui n'a pas donné son avis. Je vais limite encore me répéter, mais j'ai envie de dire, c'est encore un match sorti un peu de nulle part. Enfin, on sait qu'il y a eu des antécédents entre Kane et Bryan, mais je trouve que c'est surtout pour caser les deux. Enfin, c'est mon impression. Après, je dis ça, mais ça peut donner vraiment un très bon match, parce que les deux styles sont différents, mais on sait que les deux dans un ring sont de deux grosses valeurs sûres. Puis on a pu voir des matchs de Bryan et de Kane qui furent très bons. Donc ouais, j'attends quand même un petit peu ce match, mais ça va donner du bon, je pense. Moi, ce qui me chagrine un petit peu quand même, c'est que ce soit un match un petit peu secondaire, j'ai envie de dire, parce que Daniel Bryan, c'est quand même la superstar la plus divertissante du moment pour moi, et de le voir dans un match beaucoup moins intéressant que les matchs de championnat, par exemple, c'est quelque chose qui me gêne un peu quand même. J'ai l'impression... Il y a quand même une tournante dans la carte, parce que bon, faut dire quand même que Bryan tourne autour du titre depuis un an, depuis qu'en gros qu'il a gagné le Money in the Bank l'année dernière, on peut dire ça comme ça. Je pense que maintenant ils veulent passer à autre chose et attendre un tout petit peu avant de faire revenir vers les titres, avoir des feuds un peu basiques, quoi. Et le faire revenir encore plus fort que jamais pour un titre, et pourquoi pas remporter le championnat de la WWE dans pas très longtemps. Petit faux. Mais concernant SummerSlam, j'ai l'impression qu'ils voulaient surtout construire un truc autour de Charlie Sheen, et que le truc a bien foiré, qu'ils ont foutu Kane en dernier rempart, quoi, parce qu'ils avaient plus trop le choix. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Puis en plus, le match vient pas vraiment nulle part, parce qu'il y a quand même des antécédents entre Bryan et Kane qui datent depuis un petit moment. Donc, ouais, ça date, mais ça avait été laissé de côté avec Charlie Sheen, et puis c'est revenu, quoi. Donc ouais, c'est pour ça que c'est un peu bizarre, quoi. Pas vraiment rien de choquant, enfin, il y a juste non, c'est pas choquant. Il y a juste une semaine de flottement, on va dire. Alors que Kevin, je crois qu'il est en train de nous faire passer ses avis sur le chat, parce que Kevin, il faut dire qu'il y a une connexion tellement bonne qu'il se déconnecte dès qu'on lui pose une question. Sur la canne aux bières. Oh, la canne aux bières, la canne aux bières, la canne aux bières. Et ouais. Merci pour le montage, les gars. Tu diras ça à Kevin. Vous savez quoi, je vais dire ma blague avant. Je comptais faire une blague en fin d'émission, mais je vais la faire maintenant. Vous savez pourquoi Zaya... Enfin, vous savez ce qu'elle dit, Zaya, après avoir fait l'amour? Alors, comme ça, vous jouez tous dans la même équipe? C'est une blague, ça? C'est Gush. Je lancerai pas une gustition pour que tu passes à mon ligne, ne demande qu'à en rire. Alors que bon, bah, en fait, on n'aura pas les amis de Kevin. On va passer à la suite. Oh putain. Allez, c'est parti, on va passer au match par équipe opposant Kofi Kingston et R-Truth contre les Primetime Players qui ont donc perdu leur manager il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était la semaine dernière. Abraham Washington, alias AW Production, a été licencié de la WWE. Donc du coup, on se retrouve avec des Primetime Players sans manager et vraiment affaiblis dans leur hit. Oh non, mais ils me saoulent ces mecs, là, ils servent à rien, sérieux. Là encore, dans le road d'hier, les mecs, ils arrivent, ils sont en train de danser au milieu du ring, tous les deux, comme deux gros gays, là. Ouais, ouais, ouais, ça y est, on danse. Mais sérieux, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est... Bon, seul côté positif, faut virer, quand, tu les as vus, on n'a pas eu AW nous casser les oreilles, quoi. Ouais, monnaie, ta gueule. Ouais, mais c'est ça, mais c'est bidon comme équipe, sérieusement. Titus O'Neil, Darren Young. Et je comprends même pas comment ils peuvent être challenger. Je rappelle qu'ils étaient à NXT il y a pas très longtemps. Ouais, alors on parle justement d'eux, mais il y a quand même Kurt Hawkins et Tyler Rex qui attendent depuis un petit moment aussi. Et oui, totalement. Plutôt que servir d'appât à Ryback ou même encore des Ousso. Enfin voilà, je me répète tout le temps, mais. Pas forcément les Usos, parce que les Usos sont face et en plus on a la chance d'avoir, Tyler Rex et Hawkins qui ont beaucoup plus de talent que les deux, qui forment aussi une belle équipe, je trouve, une équipe crédible, et de les voir se réduire à un simple rôle d'appât de Ryback, c'est un peu dommage quoi. On va passer, je crois que je sais pas si MP a. En même temps, j'ai envie de dire. Tu pourras pas mettre Hawkins et Rex maintenant face à Kofi et Truth quand ils ont servi d'appât à Ryback, ils ont plus de crédibilité maintenant. Ah oui, non. Tu peux pas les mettre face aux challengers par équipe. Tu peux pas mettre eux comme challengers par équipe après avoir perdu contre Ryback, quoi. Ça se fait pas. Je veux dire, au moins les primetime players ont une certaine crédibilité. Une crédibilité quand même assez faible. Vincent. Bah, ça me fait un peu chier de voir les Primetime Players en match pour SummerSlam, mais après, j'ai envie de dire, qui veux-tu mettre à la place des PTP, quoi? Enfin, en équipe heel, à part Hawkins et Rex, t'as personne. Primo et Pico, ils sont quoi maintenant? Ils sont devenus face depuis la fin de leur aventure, très vite interrompue avec AEW. Non, parce que là, en fait, on n'y comprend strictement rien dans la division tag team. Les mecs, les PTP, là, ils perdent un match contre Epico et Primo. Après, ils ont un match de championnat. Là, ils reviennent encore avec un match de championnat. C'est un gros bordel. C'est hallucinant. Je suis complètement d'accord. J'ai envie de dire, le pire, c'est les champions qu'on voit jamais, quoi. Ouais, en c'est plus. Surtout ça, quoi. Ils ont... Enfin, si, tu les vois superstar. Et encore. What the fuck, quoi, j'ai envie de te dire. Et encore, ouais. Ouais, bah, quand tu vois hier dans le Raw de lundi dernier, enfin dans le dernier Raw, quoi, tu vois que t'as R-Truth qui gagne un match contre East Slater, et après t'as les PTP qui font leur arrivée, et t'as qui tabasse complètement R-Truth, et t'as Kofi Kingston, il est resté à bouffer des chips dans les backstage. Et, Non, mais il était pas présent, Kofi Kingston. Ouais, non, mais c'est tout comme, quoi, ils l'ont pas dit qu'il était pas présent. Si, ils l'ont dit, les commentateurs. Ils l'ont dit, ouais. Ah, Kofi était au Japon. Ah. Enfin, ils l'ont pas dit comme ça, mais Michael Cole a dit que Kofi n'était pas là ce soir. Ah, ben bah, ça change tout. Ça change tout. Ouais, bref, s'il aurait été là, de toute façon, à mon avis, il serait pas intervenu. Donc ça revient un petit peu au même. En tout cas, moi, je pense que les PTP vont repartir avec les ceintures, parce que bon, quand on voit la reine de Kofi hier. On parle pas de malheur. Bah, au moins, ça apporterait. Enfin, non, au moins, un nouveau challenger. Moi, j'ai envie que les PTP gagnent juste parce que j'en ai marre de voir Kofi Kingston et R-Truth être champions de la division par équipe, alors que tu ne les vois pas. C'est des champions, c'est Casper. C'est Casper. Non, mais il serait capable de les foutre champions, les PTP, et après qu'on les voit à chaque show, tous les SmackDown, tous les Raw. Là, ça me ferait grandement chier, quoi. Ça me ferait chier. Je vais pas te mentir, ça me ferait chier complètement de les voir aussi. Mais bon, j'ai envie de voir de la visibilité pour cette division tag team qui en a besoin. Et peut-être que les PTP peuvent apporter ça, et après, faire des titres contre les Yusso ou des. Non, mais à mon goût, ils ont pas assez de. Et ils ont plus assez de hits depuis la fin de AEW. Bah oui, exactement. Et puis, voilà, pour moi, ils ont aucune critique. Le public, ils en ont rien à foutre de cette équipe. C'est voilà. Bah, je crois même que le public en a rien à foutre de la division par équipe en général. Parce que ce qui est dommage, c'est qu'ils ont retenté de relancer la division par équipe il y a quelques mois avec AEW qui tournait autour des Primetime Players, Primo, Epico et également Kofi Kingston et R-Truth. Mais depuis qu'il vient de se faire envoyer, j'ai l'impression que ça va repartir à l'envers. Bah, AEW est encore plus casse-couille que les deux autres crétins. Donc, ouais, c'est clair. Ça veut dire qu'il faisait bien son travail. Si tu le supportes pas, c'est que c'est bien. Non, mais je supportais pas sa gueule en fait. Rien que de le voir, ça me donnait des boutons. Non, mais c'est surtout que Epico Primo et les Private Time Players, c'est pas les champions de charisme quoi. Donc en même temps, c'est une bonne équipe. Ah oui, mais ils sont, quand tu vois Primo et Epico, tu. Dans un ring, ça passe, mais après, niveau. Tu attends pas leur match quoi. De toute façon, ce que t'attends d'une division par équipe, c'est pas vraiment le charisme de l'équipe quoi. Enfin maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus ce que t'attends. Bon, un peu quand même. Enfin, de toute façon, maintenant, je sais pas ce que ça va donner. Ouais. Mais bon, on verra bien. Ouais. Alors, je propose qu'on passe à la suite, messieurs. Direct. Ouais. On va faire la pause diva du moment. Alors, pour le moment, il n'a pas été annoncé. Mais à votre avis, est-ce que Layla défendra son championnat des divas et contre qui? Moi, je sens plus un tag team match perso. Ouais, moi aussi. Pour caser toutes les divas, là, un 6 contre 6, je sais pas quoi, enfin, connerie du genre, à l'arrache. Patrick Battle Royale, une Summer Battle Royale. Ouais. Oh ouais, tout en maillot de bain, je veux bien, moi. Et je veux que AJ y participe, qu'il reste pas dans les backstage. Ça va être dur. Ouais. Non mais n'empêche, parlant de Layla, on la voit pas tellement, hein. C'est la championne, mais c'est pareil que titre par équipe, on la voit pas tellement. C'est pas faux, d'ailleurs. Elle passe à Superstar, enfin c'est un petit peu n'importe quoi. Mais de toute façon, c'est les divas tout court qu'on voit pas. La seule diva qu'on voit, c'est AJ. Oh non, en ce moment, on voit pas mal Eve. Ouais, Eve, elle ressort du placard. Elle ressort du placard, ouais. Si, on est en train de voir Caitlyn. Waouh, super. Elle ressort de sous le bureau, chérie. Ouais, sous le bureau de Booker T. Tell me you didn't say that. Allez, je propose qu'on passe au match suivant. Alors, on va parler d'un match. Enfin, je pense que c'est le match que vous attendez peut-être le plus. Enfin, moi, c'est le cas, en tout cas. Entre Chris Jericho et Dom Ziggler. Alors là, attention, messieurs, chose stealer en vue. C'est pas totalement. Ce que vous pensez, mais chose stealer en vue. Et ben, tiens, Tifo. Bah oui, c'est clair. Hein. Dom Ziggler, Chris Jericho, c'est une opposition entre l'avenir et puis l'ancien, on va dire. On sait que les deux dans un ring, c'est quand même très très bon. On a pu le voir encore au micro là lors du Piper Pit, là, je sais plus comment t'appelles ça. Là. Piper Pit. Ouais, voilà. On a vu Chris Jericho. Moi, j'ai adoré sa performance au micro. Et Ziggler en reste très bon aussi. Donc, ça a été construit assez rapidement, mais plutôt bien construit. Donc, ouais, je pense à un vrai show stealer que j'attends avec impatience. Et je veux juste revenir sur Ziggler. J'ai pu voir lors d'Euro. J'espère vraiment qu'il va se séparer de Vicky. Parce que là, le match, il le gagne encore par son aide. Et là, ça commence vraiment à m'insupporter personnellement. Ouais, il sera jamais crédible sans Vicky. Enfin, tant que Vicky sera là derrière son cul, il sera jamais crédible. C'est ça. Et puis voilà, la victoire, c'est Vicky qui la donne. Ça devient récurrent, on va dire. Donc c'est un petit peu chiant, quoi. Les distractions et tout. On aimerait bien voir un match. Je pense qu'il se débarrassera de Vicky au moment où il sera champion du monde. Je pense également, ouais. Pas avant. Sébastien. Bah moi, ce qui je trouve dommage, c'est que je trouve qu'il aurait même déjà pu se séparer de Vicky dès maintenant, parce que maintenant il est Mr. Money in the Bank et ça suffit à l'élever au rang de menace à tout moment pour le champion du monde poids lourd. Donc je pense qu'il a gagné énormément de crédibilité là-dessus. Donc je pense que c'est le bon moment pour se séparer de Vicky. Après, pour en revenir au match, pour moi, c'est la meilleure rivalité, la mieux construite de toute la carte, et également la meilleure affiche, et ce sera sans doute le meilleur match de la soirée. Peut-être pas la mieux construite. Parce qu'il y a quand même le snare Triple H qui est assez bien construite quand même. Mais c'est vrai que c'est la FUD qui a été. Enfin, c'est l'un des matchs qui sort pas de mon cul, quoi. MP. Bah, je pense que vous avez pas mal dit ce qu'il fallait. Je pense que ça sera un dream match. Je pense que pour plusieurs d'entre vous, ça sera le match de la soirée pour nous. Et comme vous l'avez dit, c'est un des matchs les mieux construits de la carte. Et je pense que ce sera quand même un de nos matchs of the year, parce que quand même, quand on voit Chris Jericho depuis qu'il est revenu, il a quand même donné des solides performances contre CM Punk qu'on a su apprécier plutôt à WrestleMania Extreme Rules d'ailleurs. Donc voilà, ça, je pense aussi que Dolph Ziggler a été très solide cette année aussi. Donc voilà, ce serait peut-être le dernier match de Jericho avant un petit bout. Par contre, il y a plusieurs rumeurs qui le voient s'en aller après ce match-là. Et Dolph Ziggler, je pense qu'il va ressortir gagnant de tout cette feud avec Y2J. Et Jericho, lui, il n'a pas rien à mettre Ziggler over. Donc voilà, ça sera, je pense, une combinaison parfaite entre les deux, quoi. Est-ce que Vincent a donné son avis? Je sais plus. Non. Mais moi aussi, j'attends que Ziggler dégage Vicky. Surtout que je pense que Vicky pourrait aider certains autres heels à avoir de Antonio la hit, Cesaro. Non, pas forcément. Lui, je pense qu'il n'y a pas besoin d'un manager. Mais par exemple, les PTP, ils ont besoin d'un manager. Mais je sais pas quel heel. J'ai pas de heel en tête là, mais. Il faudrait peut-être relancer Jack Swagger. Ouais, parce que voilà. Jack Swagger, on le voit plus. Non, mais je dis, il y a plein. Un... Santino. Je sais pas, par exemple, Heath Slater, si tu lui mets un manager, il peut aller un petit peu plus haut dans la carte. Mais je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais je pense que ce qu'il aura pas besoin de. Comme a dit Sébastien avec sa mallette, c'est bon, quoi. On sait qu'il est prêt pour le main event, il va bientôt l'atteindre. Donc je pense que Vicky, elle fait ce boulot, quoi. Elle a plus besoin de lui coller au cul. Après, c'est sûr que le match, forcément. Je pense qu'on peut pas avoir un mauvais match avec Ziggler et Jericho. Donc, puis c'est le match que j'attends le plus parce que Lesnar, je m'en bats les couilles. Sa rivalité, je l'aime pas. Et après, j'aime pas trop non plus la rivalité Punk Cena Big Show parce que le seul truc intéressant que je trouve dans sa rivalité, c'est que Punk va peut-être faire un heel turn. Donc voilà. Si je dis pas de bêtises, c'est la première fois que Dolph Ziggler affronte Chris Jericho en plus. Ouais, je pense. One, il me semble pas. Je crois que lors du dernier run de Jericho à la WWE avant son départ, avant son pancake, ça m'étonnerait pas de trouver un Ziggler Jericho dans la carte, enfin dans une des cartes de Raw ou SmackDown. Je serais pas complètement étonné de voir ça. Est-ce qu'on peut passer au match suivant, messieurs? On peut. Alors, on va parler du World Heavyweight Championship qui n'a donc plus de match actuellement dans la carte. À l'heure où on enregistre le podcast, je répète, on enregistre le mardi 14 août, donc toujours pas de match prévu. À SmackDown vendredi sera donc organisé une Battle Royale, non, c'est ça? Merci. Non, je crois pas. C'est pas annoncé encore, il me semble. On sait pas encore ce qu'il y aura comme match, mais on sait qu'il y aura un match. Il y aura une confrontation entre Del Rio et Booker T déjà. Donc justement, moi, après cette confrontation, je pense que le match va avoir lieu au final. Enfin, c'est ce que je pense. Donc je vois pas trop. Sheamus contre Alberto Del Rio. Malheureusement, oui. Mais après, je dis heureusement parce que si c'est pour voir Sheamus Orton, c'est encore pire. Moi, je vais dire ce que je pense. Je pense qu'on va avoir le droit à un triple threat match. Je serais pas étonné de voir ça. Ouais. Et je vais te dire ce qui va se passer. Il va se passer que le premier match de la soirée sera le match de contender, que Randy Orton va le gagner. Et que plus tard dans la soirée, il y aura la confrontation donc, entre Booker T et Alberto Del Rio. Et au final, Alberto Del Rio donc, se remettra dans le match et ça donnera un match entre donc, Randy Orton, Sheamus et donc Alberto Del Rio dans le World Heavyweight Championship. Et pourquoi pas ajouter une stipulation dans ce match-là? Youpi, j'ai envie de dire. T'as pas envie de croire que ça faiserait trop de triple threat dans une soirée? Deux triple threat pour les deux titres majeurs? C'est bien ça, ouais, que je me disais aussi. C'est ouais. Déjà vu, hein? Ça... Ouais, mais je sais pas, j'arrive pas à y croire. Ça fait penser au pay-per-view Fatal 4-Way. Si ça arrive une fois tous les 5 ans, ça me gêne pas. Ouais, mais surtout que dans certains pay-per-view, t'as deux Elimination Chamber ou deux Elimination Match. Voilà, donc bon, moi, je serais pas vraiment choqué. On s'en est quand même tapé des triple threats depuis je sais pas combien de temps, depuis 2 mois. Il y a dû au moins en avoir 5-6, ça c'est sûr. En tout cas, c'est bien possible quand même, ce scénario. MP n'est pas friand des matchs à plusieurs. J'aime bien le one-on-one. Selon moi, c'est toujours mieux un contre un, même si un triple threat, ça peut être sympa de temps en temps, surtout à Raw, il y a eu un très bon triple threat entre Jericho, Ziggler et Miz. Donc, quand c'est bien fait, c'est, ça peut être bon. Est-ce qu'on a entendu tout le monde sur le sujet ou est-ce qu'on peut passer au match, enfin, au match suivant? Oui, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur celui-là. Ouais, voilà, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire à part des prémonitions. Donc c'est parti, on va parler d'un autre triple threat match. Celui-ci est officialisé, c'est pour le titre de WWE Championship entre donc CM Punk le champion, John Cena qui est quand même le premier homme à avoir raté son cash, félicitations John, et Big Show dans ce match-là. Alors une question qui je vais donner la parole à Sébastien. Quand je vois cette affiche, je me dis que Daniel Bryan aurait vraiment mérité sa place à la place du Big Show justement. Ça me ferait tellement plus rêver Bryan, Punk et Cena. Mais bon, on est obligé de se taper le Big Show et donc ça gâche pour moi beaucoup l'affiche. Je pense que CM Punk contre John Cena, c'est beaucoup plus vendeur. Mais quand t'ajoutes le Big Show, cette affiche me fait pas rêver du tout en tout cas. Et j'espère que CM Punk conservera et advienne que pourra. Tifo. Le threat match. Non mais je rejoins totalement Sam. Moi c'est Cena contre Punk à la rigueur, ce serait bien passé je pense. Mais le rajout du Big Show, voilà quoi, ça va enlever tout le rythme. Enfin ça va enlever un certain rythme dans le match. On sait que c'est pas du rapide. Déjà Cena n'est pas très rapide alors que et le Big Show c'est encore pire. Donc voilà, je me dis aussi vraiment qu'un Bryan à la place du Big Show, là par contre ça aurait été beaucoup plus alléchant. Donc après ce match, j'en attends pas énormément. C'est un peu triste à dire quand il s'agit du WWE Championship. Mais bon. Après, j'espère vraiment que Punk va conserver son titre pour après ensuite avoir une nouvelle feud ou continuer. Enfin, je préfère avoir une nouvelle feud, mais on verra bien. Mais j'espère vraiment que Punk va conserver ça. Vincent. Bah moi je trouve surtout que Big Show il sert à ralentir la heel turn de Punk, parce que comme ça fait des segments en plus à Raw et ils n'ont pas besoin de faire tout de suite le heel turn de Punk, alors que s'ils auraient fait un match Cena à Punk, bah, il aurait fallu construire un tour entre les deux quoi, alors que là pas forcément besoin. Et ouais non, comme Tifo j'en attends pas trop de ce match parce que voilà, je sais pas, j'arrive pas à me mettre dedans. Comme j'ai dit il y a 5 minutes, il n'y a que le heel turn de Punk qui m'intéresse. Sinon, il n'y a rien dans la rivalité qui met en émoi. Et en parlant de Punk, personnellement, son nouveau personnage ne m'emballe pas vraiment. Je reste totalement fan de CM Punk, mais son nouveau personnage qu'ils essayent de développer, je suis pas. Personnellement, je suis pas de super mec, fan. La limite du mec qui veut que toutes les attentions soient sur lui, quoi. Ouais, c'est ça. Ça ressemble pas du tout à l'ancien père. Enfin, voilà, quoi. Enfin, après, j'ai l'impression qu'ils reprennent un peu ce qu'on disait, du genre... Il lutte pour le titre, et c'est jamais en main event. Donc, dans sa tête, peut-être qu'après, ils reprennent les propos des internautes, comme quoi c'est jamais en main event, truc comme ça. C'est un peu ce que ça me laisse comme impression. Et qui n'a pas donné son avis? Je crois que tout le monde l'a donné, c'est ça? MP. Ben, j'ai envie de dire, bien que vous soyez pas mal négatif sur la juste Big Show, ça va faire changement des plusieurs punks contre Cena qui a eu lieu l'année dernière. Et si on avait fait encore Punk Cena, ça aurait été la même affiche que l'année dernière. Donc, ça ajoute du changement. Avoir cette affiche, bien que c'est sûr que je pense que la qualité du match va en souffrir. Je pense que Big Show ne sera pas non plus tant un élément important dans le match parce que ça va être un triple threat. Donc ils peuvent Big Show peut avoir des séquences à l'extérieur pendant que Punk et Cena vont combattre dans le ring. Donc ça, en même temps, voilà, ça fait changement d'avoir Big Show dans ce match et ça va, comme j'ai dit, ça va juste permettre de faire un peu de diversité avec les affiches qu'on a eues. Donc voilà, mais Big Show, comme ça, triple threat, va pas toujours être dans le ring et je pense pas que ça va être tant pire que ça non plus. Donc je m'attends quand même à un bon match, un bon match pour le titre WWE. Et je pense que peut-être que, je sais pas, c'est un autre débat à aborder plutôt, mais est-ce que ce match sera placé en main event ou on va aller avec le Lesnar contre Triple H? Je pense que ça sera Lesnar Triple H. Déjà, on a pu voir la Arrow, déjà, ça s'est terminé sur ça. Donc, à mon avis, oui, ce sera probablement Lesnar Triple H. Enfin, ça serait... Bon, on a perdu. Ça serait bien de... Non, vas-y, MP. De replacer le WWE Championship dans le main event. Mais bon, je pense que vous avez raison que Lesnar contre Triple H va être dans le main event parce que ça a été une feute de plusieurs mois, une feute d'importance et que Lesnar quand même très important depuis son retour à une bonne place. Donc je pense qu'on va le remettre dans le main event. En plus, c'est seulement son deuxième match depuis son retour. Donc. Ben, on va passer au match suivant. Donc justement, merci un peu pour cette super transition pour le match donc qui sera sans doute le main event entre donc Brock Lesnar et Triple H. Alors moi, bizarrement, j'attends beaucoup de ce match. Je sais pas vous, mais moi, je pense que ça peut donner peut-être l'un des plus grands combats de l'année, vu qu'il n'y a pas de stipulation rajoutée à ce combat-là. Ah, dans le ring, je pense que ça va pas être non plus, ça va pas atteindre des sommets, honnêtement. Ah non, ça atteindra pas non plus des sommets. Mais je pense que, niveau intensité, Michael sur le coin de Triple H et Heyman dans le coin de Lesnar. Ça peut donner quelque chose de peut-être pas très mal, voire même de peut-être très très excellent. Après, HBK, mais après je comprends pas trop non plus l'intérêt de le rajouter, si ce n'est pour faire face à Paul Heyman en dehors du ring, mais sinon, il est toujours un peu là dans les coups de Triple H à chaque fois, ça me dérange pas. Bon, au contraire, ça me fait plaisir de voir Shawn Michaels, tu vois, dans une carte. Oui, c'est clair, mais voilà, c'est... Ouais, je suis pas plus emballé que ça. Mais enfin, Michaels, je pense pas qu'il devrait être là pour supporter Triple H comme la storyline qui a terminé Raw hier soir, c'est que Michaels s'est fait casser le bras par Brock Lesnar, bon... Et aussi, j'avais oublié ça. Donc, je pense qu'il y sera quand même, on a une semaine de ça. Ouais, mais enfin, tu récupères pas d'un bras cassé en une semaine, quoi, il pourra pas... On ne pourra pas donner les coups de poing à Brock Lesnar, si on veut. Il sera peut-être dans le coin, mais il fera rien. C'est un petit peu faire un peu comme ils avaient fait avec Bret Hart quand ils ont fait semblant de le blesser, et au final... regardez, j'ai rien. Non, là, il était vraiment blessé. Mais je pense qu'il sera dans le coin, mais il aura une écharpe autour du bras, quoi. S'il a un plâtre, il peut se servir de son plâtre pour frapper Lesnar. Hein. Mais après, on a vu que à la fin de Raw, HBK était assez vénère envers Triple H du fait qu'il n'est pas venu l'aider. Donc après, ça, il va peut-être avoir quelques tensions et tout, donc à voir. Là, justement, en parlant de l'issue, moi, je veux parler de l'issue du combat, comment vous le voyez, parce que je suis... Là, à l'heure actuelle, je suis incapable de donner un vainqueur. Je suis incapable. Je vois pas qui va gagner le combat. Bah, je sais pas, je pense que comme Triple H n'est pas régulier, j'ai envie de dire que Lesnar devrait gagner. Lesnar non plus n'est pas régulier, c'est ça le truc. Ouais, mais il est plus régulier que Triple H. Déjà, je pense que Lesnar. Sur l'année, quand même, Triple H est plus régulier que Triple H. Lesnar va plus catcher que Triple H. Parce qu'il a quand même plus d'apparitions et tout, et je pense qu'il devra être à WrestleMania, Lesnar, avec son contrat de trentaine d'apparitions. Donc, il va avoir un gros match important, probablement à WrestleMania, un truc du genre. Je pense qu'il a besoin de ce momentum-là, justement. Et Triple H, lui, il a tout gagné dans sa carrière, on s'en fout, quoi. Mais Lesnar, en plus, avec sa défaite contre Cena, il devrait retrouver son momentum, quoi. Vincent. Ouais, moi, je pense aussi que Lesnar va gagner, parce que... Ouais, Triple H, on n'en a pas besoin. Puis si on veut faire gagner Triple H, je sais pas, aux séries par exemple, il vaut mieux faire gagner Lesnar, comme ça, ça pourra égaliser le score, on va dire. Voilà, on a tout dit, non ? Non, moi, perso, moi, je vois Triple H gagner. Ouais, mais moi, je sais pas. Hein. Parce que, honnêtement, la dernière fois, c'était Cena Lesnar, c'était ça. Et tout le monde avait pronostiqué une victoire de Lesnar, enfin, je pense. Non, pas moi. Pas toi ? Non. Merde. Enfin bref, c'est. Je pense qu'ils vont continuer sur une série de défaites pour Lesnar. Après, qui va renforcer sa frustration et tout ça pour la suite. Enfin, c'est un petit peu mon avis. Bah pourtant, il a besoin d'une victoire parce que s'il perd les deux matchs qu'il fait face à John Cena et maintenant face à Triple H, il va perdre beaucoup de crédibilité aux yeux des fans. Mais paradoxalement, moi, je pense quand même que Triple H va gagner parce que j'ai du mal à le voir revenir dans un ring et perdre directement. Triple H a déjà perdu lui aussi un combat cette année, quoi. Oui, mais c'était parce que l'Undertaker à WrestleMania. L'Undertaker à WrestleMania, mais quel combat d'ailleurs. Mais moi, je sais pas vraiment, je mettrai pas 10 euros sur ce combat-là. Quoi. C'est possible qu'il y ait d'ailleurs même pas de fin clean, puisque Shawn Michaels sera dans le coin et ça se trouve, il va faire quelque chose. Il n'y aura pas de fin clean, hein, ça c'est clair et net. Hein. Ça va être un gros bordel de toute façon. Bon, messieurs, est-ce qu'on peut passer à la suite des sujets ? On te l'autorise. Ah. Donc, il y a personne qui me répondait, je peux là. Qu'est-ce que tu fais ? Ils ont dit qu'il fallait répondre quelque part, et ils ont passé trop de vacances et ils ont tout oublié. Allez, c'est parti. On va pouvoir parler, messieurs, de la super belle nouvelle qu'on a eue la semaine dernière, quoi, avec Tom LaRuffa et Luca Di Leo qui ont signé leur contrat avec la WWE pour le catch français. C'est que demander de mieux pour nous, quoi. Que demander de mieux. MP, toi, t'es pas trop concerné. Donc, je sais pas, Sébastien. Allez. Bah, comme tout Français, je pense que c'est une nouvelle qui nous a tous réjouis, forcément. On a vraiment hâte. Enfin, personnellement, moi, j'ai vraiment hâte de le voir dans un ring WWE, voir ce qu'il donne. Je sais pas, est-ce qu'il va passer par la NXT ou pas. Apparemment, il a déjà fait des tappings NXT. Hein. Ah bon? Bah, ça, tu vois. Ben, ouais, parce que jeudi dernier, jeudi, il a tweeté NXT, NXT, nous me voilà, quoi, une corner comme ça. Non, mais il était posant, mais il a pas catché, quoi. Enfin, si. Ah, je sais pas. Il a assisté, que, enfin je veux dire, c'est comme par exemple, quand il y a un gros, il est dans les coulisses, quoi, mais il n'a pas... Ben voilà, il était en tout cas dans les coulisses de NXT, quoi, il était à la nouvelle arena d'NXT, d'ailleurs, j'ai oublié le nom. Et d'après les images qu'il poste sur son Facebook, il aurait une gimmick de gladiator français, ouais, apparemment. Le French Stallion, quoi. Ouais, voilà, exactement. Sa gimmick habituelle. J'ai envie de dire, pourquoi pas. Bon, ça peut être sympa, tant qu'ils ne font pas venir avec la Marseillaise, un berry, une baguette de pain, ça me va. Le tifo. Wow, oui, c'est une très bonne nouvelle quand même. Surtout là, on en a même pas un, on en a deux quand même. On a deux d'un coup, quoi. On a Luca Di Leo. Deux d'un coup, donc. Luca Di Leo, lui, performait à l'ICW, à la fédération de Pierre Booster. Et quant à Tom LaRuffa, lui, c'est un wrestling star de Prince Défi, qui est le président de cette fédération, la fédération de Flash Gordon, de Johnny Gavroche, des lutteurs comme ça, quoi. Enfin, en tout cas, c'est peut-être les deux noms qui me viennent à l'esprit, là. C'est Johnny Gavroche, Flash Gordon et donc Prince Défi. Bah, pour la PWA, c'est quand même une sacrée récompense. Ils fournissent quand même un très bon travail en France, niveau catch. Et là, voir un de leurs poulains signé avec la plus grosse fédération du monde, c'est quand même une super récompense. C'est quand même pareil pour le Wrestling Star, qui fait un travail énorme, que ce soit en France, en Belgique ou en Suisse. Oui, également, pour les deux. Vraiment, c'est les deux grosses fédérations françaises qui sont récompensées. Il n'y a que la FFCP de Marc Mercier qui est un peu mis à l'écart de cette récompense, quoi. En même temps, la Wrestling Star aussi... Elle a moins formé Tom LaRuffa que Luca Di Leo. LaRuffa, il est passé par Storm, alors que Di Leo, il est passé par Booster, c'est tout. Ouais, mais il travaillait pour le Wrestling Stars en France, quoi. C'est là où je veux en venir. D'ailleurs, elle fait même pas mention de la signature de Tom LaRuffa sur son site. Il y a un spécial qui s'est là. Je crois que l'ICWA non plus n'a pas parlé de... Bah si, il y a Booster qui en a parlé sur les réseaux sociaux, mais... Il me semble pas que la Wrestling Star. Mais il y a une histoire avec la Wrestling Star, et ils ont voulu faire une espèce de storyline avec Tom LaRuffa, il n'y a pas très longtemps, comme quoi il était suspendu parce qu'il avait tabassé un lutteur avant un combat, je sais pas quoi. Donc c'est possible qu'il y ait une histoire, donc dans la storyline, parce que je parlais de LaRuffa comme étant un Undercatcher. Oui, j'avais entendu ça comme rumeur, j'avais eu ça sur le site de la WS il n'y a pas très longtemps. En tout cas, personnellement, j'ai hâte de voir. Leur premier match qui sera maintenant donc à NXT, plus à la FCW. Ils sont signés donc en développement des talents de la WWE, mais ils peuvent maintenant développement de talents, ça veut dire NXT et la FCW, donc je sais pas dans quel show ils vont commencer. S'ils commencent directement à NXT, c'est que la WWE leur fait extrêmement confiance. Non, mais FCW, ils n'ont plus de show télé, donc ça peut être dur. Ça va être un peu dur de battre à la FCW. Non, mais il peut se faire squasher par un mec NXT, quoi, comme certains l'ont fait. Par exemple, les Aiden English ou Adam Mercer qui se sont fait squasher, quoi. Ils sont pas encore prêts à se mettre en Maro, donc ils servent de viande pour les mini-eventers, quoi. Et perso, ce que je pensais, c'est quand par exemple ils vont débarquer sur un ring, entendre l'annonceur prononcer la ville d'origine plus le pays, ça... Pour nous, from ça Nice, ouais. Ouais, bah ouais, c'est classe, quoi. C'est from Nice, ouais. Moi, je suis pas sûr qu'ils vont dire Nice. Hein. Je pense plutôt qu'il va dire Paris, France, comme tout le monde, et voilà. Non, bah déjà que pour André Lujan, il disait from Grenoble. Grenoble. From Grenoble, France, il disait à l'époque. Non, il respecte, hein, généralement. Ouais, là-dessus, ils sont clean. Par contre, Luca Di Leo, je sais pas d'où il est. From le trou du cul du monde en France. Thionville. Ah oui, from Thionville. Thionville. Ça le fait pas. Effectivement, c'est vrai qu'il vient de Chionville, j'avais vu. Il perd mon accent anglais de bus, merci MP. Bon, ben messieurs, ben MP, tiens, qu'est-ce qu'il en pense, lui, de son Canada natal? Ben, j'ai envie de dire, je suis content pour vous, mais moi, il y a déjà pas mal de catcheurs canadiens, le WWE, qui ont marqué l'histoire, donc... Enfin, québécois, c'est un peu plus rare, mais il y en a quand même eu quand même pas mal. Juste à penser à Sylvain Grenier, quand même, récemment, qui est venu à la WWE. Bon, bah, j'ai envie de dire, je suis content pour vous, comme j'ai dit. Voilà, je pense que ça peut être quand même, ça va marquer l'histoire pour le catch français, ça c'est sûr. Et j'espère qu'ils auront tous les deux du succès à la WWE, qu'on puisse les voir aller à NXT très bientôt. Alors, comme tout à l'heure, je disais, pendant qu'on faisait une interview de Marc Chavez, je disais qu'on avait failli avoir Tom LaRuffa avant les vacances. Et bon, finalement, Tom LaRuffa nous a pas donné de nouvelles. Bon, en même temps, il doit recevoir tellement de messages qu'il ne doit pas tout lire, parce que sinon, il n'aurait jamais fini, et surtout encore plus maintenant. Donc, il a peut-être des restrictions. En plus, donc, maintenant, il doit plus donner d'interview à n'importe qui. Quoi. Voilà. Donc, restez, monsieur Tom LaRuffa, et restez donc à Luca Dido qui le suit gentiment derrière. Quoi. Et je vous passerai un lien d'une émission télé avec Célian Varini, Tom LaRuffa et Joe Atlas qui était diffusée sur ma chaîne Sport Extrême dans une émission spéciale catch. Ça dure une heure, c'est sympathique. Par contre, tu les vois, ils se la pètent un petit peu, mais ça doit faire un petit peu partie de son personnage qui est comme ça. Donc, c'est assez sympathique à voir. Et puis, t'as un Varini qui fait un peu le show, donc c'est sympa. Je vous le passerai très volontiers. C'est sur YouTube. Il faut qu'il disait, je me souviens, il était passé sur NT1. Mais oui, il était passé dans une émission tous différents, il me semble, avec un sujet. Passion du catch. Il était passé dans C'est ma vie avec. Il parlait de son couple avec Lily Gordon, il me semble. De son couple. Ouais, c'était avec une. Ouais, c'était ça, ouais. C'était une histoire de couple, c'était nous tous les deux fans de catch. Ouais, enfin, c'était une connerie. C'était sur la plage. C'était la WS, en fait, cette femme. C'était une blonde, non? Ouais, enfin, même les brunes, je sais pas quoi, des conneries comme ça. Mais, ouais, je me souviens. Et d'ailleurs, LaRuffa avait déjà participé à SmackDown au mois de novembre quand il s'était fait squatcher par le Big Show. Donc, une double victoire pour lui, quoi. C'est l'un des premiers jobbers qui vient. Qui vient signer, quoi, il me semble. Enfin, on n'a pas vu beaucoup de jobbers aller re-signer après. C'est plutôt bien. Bah, il y a des fois, on a bien eu, il y a longtemps, genre en 2005, Daniel Bryan qui avait fait un petit squash comme ça. Enfin, il y en a plusieurs, hein, mais on s'en souvient pas forcément. Bah, écoutez, messieurs, je pense qu'on peut s'arrêter là. Pour cette émission de rentrée, je pense que ça allait. On va passer à la liste des partenaires. Ah, parce qu'on l'a fait toujours, celle-là. Bah, toujours. Après, ils vont pas être contents si on les dit pas. Salut, bah, donc salut à VoxCatch, à Twitter, à Facebook. On a quitté la fameuse team WFL de SEO, donc elle n'a plus d'intérêt pour nous. Instant Catch, M-Catch, VoxCatch, j'ai déjà dit. Il y a quoi d'autre, messieurs? On est diffusé maintenant sur upload.to, sur archive.org, c'est ça? Ouais, qui sert aussi de... C'est énorme, ce truc. Qui sert de transition pour iTunes également. iTunes, effectivement, merci Tifo. L'adresse mail, si vous voulez nous écrire pour participer à l'émission, on vous répond sans problème, c'est l'adresse suivante. Effectivement, pas de mail, pas d'émission, c'est un peu comme dans Intouchable, pas de bras, pas de chocolat. Bon, sur l'adresse mail, on reçoit plus quand même les sites coquins de Gus que de mails de... Mais moi, je comprends pas cette histoire-là, on l'a jamais raconté. Et donc l'adresse mail, c'est vraisalsradio@gmail.com. On a aussi le Tumblr, c'est vraisalsradio.tumblr.com. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Oui, c'est ça. Bon, on peut se dire au revoir avec nos Twitter, effectivement, Maxime. Alors, Tifo, c'est Hal Tifo. Et retrouvez-moi à @L-8 Tifo. Sébastien, c'est RicaLewis67, ça n'a pas bougé. Exactement. Sébastien, c'est l'inactif de Twitter. Hein. Voilà. MP. @WR Maxime Poulain. Et je retweet un peu tout ce que je pense sur le catch. Voilà. Faut que je retweet des trucs drôles. Il y en a qui décident. Donc, c'est-à-dire pas souvent. quand même assez souvent pendant Raw et SmackDown. Il y a des comptes assez drôles sur Twitter. Donc, ça, c'est cool. Il y a un peu d'humour dans tout ce monde, qui est parfois très sérieux, donc voilà. Vincent, Pierre Watcho, WA2TIAX. Et Kevin, donc c'est @KevinColoc, tout attaché, il me semble. Hein. Est-ce qu'il peut me le confirmer sur le chat? Yes. Et donc, je vous rappelle, le Twitter de Marc Chavez, c'est @MarcChavez, tout simplement. C'est facile, tout attaché. Effectivement, Merci aux nouveaux membres de la page Facebook, on est plus de 190 maintenant, on est 191 heures, mais vraiment un grand merci à vous, c'est énorme ce que vous nous avez fait en deux semaines, avoir plus 100, c'est vraiment, je sais pas quoi dire, merci quoi. C'est ça. Et moi j'ai oublié de dire mon Twitter, c'est @sparta-8. Et perso, moi je voudrais lancer un grand merci à Kevin pour sa participation dans la mission. Elle était exceptionnelle, encore une fois. On remercie Marc Chavez d'avoir été avec nous en début de l'émission. Et passe un gros coucou à Brousty qui nous manque terriblement. Il faut qu'il revienne très vite. Salut Brousty.